mosaïque. Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et auditrices, selon le lieu d'où vous nous écoutez. Bienvenue à cette émission Mosaïque. Dans cette émission, nous allons échanger avec nos invités sur la fabrication et la commercialisation des bières et des jus non autorisés. En effet, depuis un certain temps, la police et l'administration, aussi bien dans la capitale Bujumbura qu'à l'intérieur du pays, traquent les fabricants et les vendeurs ou commerçants des boissons non autorisées. Pour la plupart des fois, on découvre que ces boissons sont fabriquées à base des matières nuisibles à la santé. Ceci nous amène à nous demander quelles sont ces boissons qui sont prohibées au regard de la loi. Ces boissons sont fabriquées par qui ? Comment ? À base de quelles matières ? Y a-t-il des raisons qui poussent la prolifération de ces produits ? Est-ce que les consommateurs sont au courant de l'existence de ces boissons fabriquées de façon illicite ? Quel est le rôle des consommateurs de ces boissons dans la lutte contre ces dernières ? Quel est le rôle du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, BBN, dans la lutte contre ces boissons ? Jusqu'à quel niveau l'administration et la police sont engagées à lutter contre ces boissons non autorisées ? Qu'est-ce qui peut être fait pour mettre fin à la fabrication et à la commercialisation de ces boissons ? Autant de questions que l'on peut se poser. C'est autour de ces questions que nous allons, dans Mosaïque, échanger avec nos invités. Nous allons passer en revue l'état des lieux, la législation sur la fabrication et la vente des produits prohibés et la cause de la prolifération de ces produits. Nous allons également parler des conséquences de ces boissons sur la santé et proposer des pistes de solutions. Dans ce débat, nous avons invité Terence Nahila Aja. Il est porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique. Bienvenue, messieurs. Merci, je vous salue, messieurs les journalistes. Je dis aussi salut à tous nos chers auditeurs et à mes collègues invités. Nous avons également sur ce plateau Placide Ndoua Mahoro. Il est chef de service certification au sein du Bureau burundais de normalisation. Bienvenue, monsieur. Merci, monsieur le journaliste, et merci de m'avoir invité. Nous avons également invité Noël Nkuruziza. Vous êtes président de l'Association burundaise des consommateurs, à qui nous souhaitons également bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation à cette émission qui est très importante pour le consommateur. On avait également invité sur ce plateau le porte-parole du ministère du Commerce et de l'Industrie, Madame Glorieuse Nibarutaye. Elle n'est pas encore arrivée, nous l'attendons toujours. Mosaïque d'aujourd'hui est présentée par Joseph Sabiabandi, à la réalisation Pascal Nioyankunze, et la mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Miterouti. Bienvenue. C'est une situation insupportable si on arrive même à consommer de l'urine humaine. Le gouvernement doit agir vite et saisir toutes ces boissons fabriquées dans l'illégalité. Pour moi, il doit y avoir une certaine complicité de la part de certains responsables. C'est incompréhensible que ces fabricants de ces boissons puissent continuer à travailler sans être inquiètes. La police la pousse. Elle devrait les arrêter. Même les rebelles sont vite maîtrisés. Aussitôt qu'ils attaquent le pays, comment de simples fabricants de boissons prohibés peuvent être aussi puissants quel pouvoir? Auparavant, il existait des boissons prohibées comme Kanyanga et d'autres fabriquées à base d'icic. Et petit à petit, on commence à observer d'autres boissons de couleur jaune, tant d'opter en pratique, branches, souvent consommées par tobac peuple comme les conducteurs de vélo et d'autres. Quand on les regarde, on constate que leurs visages ont changé, donnant l'impression d'une personne vieille alors qu'il est encore trop jeune. Je trouvais qu'il est grand temps de lutter contre contre ces boissons. L'État y a dit qu'il est courant à Obo Sibabikora. Ils ont zoga ziriho mumabotike chani chani hariya mu quartier y'Uburaruko. Les autorités publiques devraient chercher tous ces fabricants. Ces boissons sont éparpillées un peu partout dans les boutiques, surtout celles des quartiers du Nord. Qu'on les arrête afin de les corriger. Malheureusement, je pense qu'il y a une certaine complicité basée sur la corruption. À certaines occasions, ces gens sont arrêtés, mais quelques jours après, ils reprennent les mêmes activités. Que le gouvernement s'implique effectivement, car la santé de la population est menacée. Mais d'une part, cela est dû à la pauvreté, car quand on ne peut pas se payer une bouteille de Primus, on se rabat sur ces boissons moins chères. L'État, le mouvier du Wabanyagihugu. Awo se vita kunywa kanyanga bitwa kunywa mudiringi kubera ibiyeri biguma biduga turavye imigwi y'abarobere iragwanywa ikavaho. Comment peut-il être facile de combattre les groupes rebelles et mettre moins de force dans la lutte contre ces boissons prohibées? Là, on risque de penser que parmi ceux qui devraient agir dans ce travail, il y a certains d'entre eux qui jouent la complicité. Vous venez de l'entendre, certains consommateurs de ces boissons dans la ville de Bujumbura se plaignent comme quoi certaines boissons qui sont sur le marché et sont fabriquées à base des matières nuisibles à la santé. La première question est adressée à M. Noël Nkurunziza. Est-ce que, au niveau de l'Association burundaise des consommateurs, vous partagez avec eux les mêmes préoccupations? Oui, au niveau de l'Association burundaise des consommateurs, nous partageons la même préoccupation que ces derniers consommateurs qui viennent de s'exprimer. Mais à cela, j'ajoute que le problème de ces boissons prohibées ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui a été toujours, mais bien sûr avec des... un certain moment, on trouvait que c'était avec une grande ampleur, mais c'est un problème qui a été toujours là, qui a été toujours constaté au niveau de la beaucoup, mais aussi nous l'avons toujours vu avec la police et l'administration qui essaie de traquer ces poissons prohibés. Donc c'est pas une nouveauté, mais non plus c'est pas quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est un problème que nous connaissons bien au niveau de la beaucoup. Peut-être que ce n'est pas nouveau, mais c'est pour la première fois qu'on entend qu'il y a des boissons qui sont fabriquées à base de l'urine, mais aussi à base de la viande pourrie, avariée. Oui, je pense que le mal, il est identifié quand il est déjà vu. Là, on essaie de savoir c'est quoi. Mais sinon, les boissons prohibées, les jus non autorisés, qui ne remplissent pas les normes, ont été toujours remarqué. Et je vous dis qu'on n'a pas toujours connu ce qui est à la base de leur fabrication. Disons que c'est déjà une avancée maintenant qu'on commence à voir malheureusement qu'il y a, il y en a qui sont fabriqués à partir des produits aussi dangereux que l'urine ou des produits comme les indes avariées. Mais il faut vous dire que le problème peut-être il a, je dirais, qu'il a été négligé, si bien que aujourd'hui on arrive au pic quand on essaie quand même d'utiliser ce genre de poison, alors que vous êtes en train de fabriquer quelque chose que vous allez livrer à la consommation humaine. Là, ça dépend, c'est l'entendement. Est-ce qu'au niveau de votre association, vous savez la liste de ces boissons qui aujourd'hui sont déversées sur le marché sans toutefois qu'elles soient autorisées? Bon, je vous dirais que ça serait s'aventurer si je vous dirais aujourd'hui que je connais ou que la Boko connaît la liste de ces produits prohibés. Encore que ça varie d'une localité à une autre, alors que peut-être c'est la même matière. Donc c'est beaucoup, il faut vous le dire. Et il y en a bien sûr qui manquent d'être attestés par le service habilité, mais qui peut-être ne sont pas dangereux. Mais il y en a d'autres qui sont dangereux de par les produits qui sont à la base de la fabrication. Donc je ne vous dirai pas qu'il y a une liste déjà connue, mais le mal est identifié quand justement on sait d'où il est, Donc, quand vous allez à Bujumbura, vous trouvez des produits du genre qui sont commercialisés. Vous irez à l'intérieur du pays, dans les provinces, vous trouverez d'autres qui sont commercialisés. Donc, jusqu'à maintenant, je ne vous dirais pas qu'il y ait une liste exhaustive de ces produits dangereux. Mais s'il faut peut-être vous dire que, à partir de ce que nous avons entendu, il y a bien sûr des produits que nous avons entendus qui ont été enlevés sur le marché alors qu'ils étaient commercialisés ouvertement. Je pense que vous en saurez plus avec le ministère de l'Intérieur et le BBN peut-être qui, à un certain moment, ont été obligés de suspendre la commercialisation de certains produits. Mais sinon, au niveau de la Boko, on n'a pas cette liste. Mais ce que je vous dirai, c'est que ça ne manque pas de ces produits. Peut-être vous ne connaissez pas, vous n'avez pas une liste exhaustive comme vous venez de le dire, mais est-ce que vous estimez que ces boissons ou ces jus sont nombreux sur le marché ou bien c'est un nombre insignifiant? Je vous dirais qu'ils sont très nombreux. Peut-être on aimerait quand même d'être corrigé par le service habilité, et là en l'occurrence le BBM, mais personnellement je vous dis que on a toujours constaté qu'il y a des jus et qu'il y a des boissons qui, en tant que consommateurs avertis, nous inspirent pas confiance. Et c'est par là justement que je suis encore intéressé par cette émission pour que finalement on trouve de la lumière à propos. Mais sinon, dans ces produits, il y en a assez. Monsieur Placide Ndouamahoro, vous venez de l'entendre au niveau de l'Association burundaise des consommateurs. On déplore beaucoup, beaucoup de boissons qui sont aujourd'hui commercialisées illégalement. Au niveau de votre bureau, est-ce que vous travaillez dans le sens de dissiper les vendeurs et les fabricants de ces boissons? Ah, merci de la question. Tout d'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour informer nos chers auditeurs et auditrices que le BBN, il est chargé du contrôle de la qualité des produits fabriqués localement. Ce ne sont pas les jus et les boissons prohibées seulement, parce que nous faisons un contrôle de la qualité, parce que nous avons une ordonnance conjointe signée par le ministère de la Santé et du Commerce qui dit que tout produit fabriqué localement doit être soumis à un contrôle. Au niveau du bureau burundais de normalisation, nous avons remarqué une prolifération de la production et de la commercialisation des boissons prohibées et des jus. Et puis, ce que nous faisons au BBN, nous faisons un contrôle de la qualité des produits fabriqués localement. Et puis, quand nous recevons un demandeur qui veut faire certifier son produit, on fait analyser son produit et après, quand on confronte les résultats obtenus au niveau du laboratoire avec ceux de la norme, on peut délivrer le certificat. Aussi, je profite de l'occasion pour lancer un appel Fibra à tous les fabricants de ces boissons prohibées, qu'ils aient été de commercialiser et de fabriquer ces boissons avant l'obtention du certificat délivré par le bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité. À vous entendre, vous attendez les gens qui viennent vers vous, mais vous n'allez pas sur terrain pour vérifier si les produits, les boissons et les jus qui sont commercialisés sont conformes à la législation burundaise. Moi, je suis ici en tant que chef de la division certification qui est en charge de la certification des produits locaux. Mais il y a une autre division qui est en charge de l'inspection. Il y a les inspecteurs du BBN qui se rendent sur terrain et puis ils constatent des cas similaires des fabricants qui produisent ou bien qui commercialisent des boissons ou des jus et puis ils nous donnent un rapport. Nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique pour traquer ces fabricants et ces commerçants. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui ces jus et ces bières prolifèrent à telle ampleur que chaque jour carrément il y a des saisies, est-ce que ça ne démontre pas que le travail de l'inspection au niveau du BBN n'est pas suffisant ou bien n'est pas visible sur le terrain? Le travail de l'inspection du BBN trouve des problèmes. Par exemple, nous avons des contraintes pour les moyens de locomotion pour faire les inspections ici à Médo Bujumbura et puis et jusqu'à l'intérieur du pays, parce que ces jets ou bien ces boissons prohibées se trouvent dans plusieurs localités du pays. Finalement, avec le manque de moyens, quel est le champ d'action de votre bureau? Avec le manque de moyens, nous essayons de faire de notre mieux. Nous travaillons avec la police nationale, nous travaillons avec l'administration locale. Et puis, par exemple, un administrateur quelconque nous donne des informations, ou bien un chargé de la police nous donne des informations, on travaille sur le dossier. Et puis, on applique la loi. La loi est claire. Mais que ce soit l'administration, que ce soit la police, ce ne sont pas des experts. Ils ne peuvent pas faire le travail qui est imparti au bureau burundais de normalisation. La législation du bureau burundais de normalisation est claire. Parce que quand la police trouve qu'il y a, quand la police traque ces fabricants de boissons prohibées, si il nous donne des informations et puis on applique la loi. C'est-à-dire qu'on interdit la commercialisation et la fabrication de ces produits. Monsieur Terence Nhairaja, vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique. Le problème est là, il y a la prolifération des jus et des boissons non autorisées au niveau de votre ministère. Comment vous intervenez justement pour dissiper cette pratique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de me poser la question. Ici, j'aimerais porter à la connaissance de vous tous et de nos chers téléauditrices que le gouvernement a, depuis 2014, commencé le combat de lutter contre toutes les boissons prohibées et qui sont vendues dans le territoire national du pays. Et en fait, ici, c'est d'ailleurs dans cette perspective que son Excellence, Monsieur le Premier Vice-président de la République de cette période, a sorti un arrêté en date du 10 juin 2014, un arrêté qui justement porte sur la réglementation justement de la vente des boissons, mais également de l'interdiction de toutes les boissons qui sont illégalement fabriquées. Et en guise de concrétisation, ici, j'aimerais vous informer que l'article 9 dit arrêté stipule que la production et la vente de boissons fermentées, de préparations artisanales autres que Ugwarwa, Imeke, Ubuki et Isongo est soumise à l'autorisation préalable écrite délivrée conjointement par le ministre ayant le commerce et celui ayant la santé publique dans leur attribution. C'est-à-dire que seul Ugwarwa, Imeke, Ubuki et Isongo, pour les autres boissons, il faut qu'il y ait une autorisation préalable, effectivement, comme l'a d'ailleurs précisé le chef de service du BBM. Mais également, il y a l'article 10 également du même arrêté qui stipule que, sans préjudice des dispositions du précédent article, que je vais citer bien entendu, la production et la vente des boissons fermentées et préparations artisanales à base de sucre sont interdites. Il s'agit notamment des boissons comme Umunanasi, Umukorajipo, Igikwete, Umugorigori, Ikibarbe, Umudringi, Igiti et d'autres boissons de fabrication artisanale apparentées comme le Kanyanga et les autres. Donc, vous voyez que c'est vraiment prohibé et interdit. Et la loi a déjà été instaurée et est en application jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'au début de l'année 2016, au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique, nous avons lancé à une campagne de lutter contre ces boissons, comme vous l'avez réalisé sur les réseaux sociaux et ailleurs. On a déjà détruit beaucoup dans les collines, beaucoup de petites usines. On a déjà versé beaucoup de litres, on a brûlé le matériel utilisé et pour montrer l'exemple même à la population, même aux autres. Donc, comme vous le constatez, il y a déjà beaucoup de mesures qui ont été prises. Il y a même des sanctions qui sont prévues. On va les préciser quand on va y arriver. Merci. Le ministère de l'Intérieur est décentralisé au niveau des collines. Comment expliquez-vous le fait que ce phénomène-là ne finit pas, ne se dissipe pas, alors que même au niveau des collines, il y a des chefs collinaires ou bien des Nyombakumi qui devraient s'impliquer pour lutter contre ces boissons et produire des résultats? Merci beaucoup de poser la question, justement. Votre question relate justement ce que je viens de raconter et un petit interview que je viens de qui a été fait auprès de la population, comme ils ont dit. Ils ont déclaré que le gouvernement est parvenu à lutter contre les groupes rebelles, mais échoué, effectivement, comme vous le dites, à lutter contre ces gens qui fabriquent ces boissons prohibées. Et vous le savez, et le travail de ces boissons sont faits en cachette. C'est en cachette, vraiment, vous le réalisez par les méfaits. Vous commencez à voir les gens qui ils sont enivrés, les yeux rouges, et on commence à s'informer de quoi s'agit-il. Donc, ça se fait en cachette, et comme vous le savez, et ce ne sont pas tous les administratifs qui ne sont pas des anges, vous savez. Même au niveau de la police, tout le monde n'est pas ange. Il y a certaines personnes, peut-être, qui commettent des erreurs. C'est pourquoi on a pris la décision de lutter pour cela en synergie. C'est-à-dire qu'il y a l'administration, il y a la police, il y a également la justice, pourquoi pas, et même les autres intervenants. On fait le travail en synergie et ensemble pour qu'on puisse justement éradiquer cette activité qui est de nature justement à détruire la santé des personnes. Ouais. Vous dites que des erreurs peuvent se glisser dans cette lutte contre la prolifération de ces boissons. Est-ce que ça signifie qu'il y a parmi ceux qui sont chargés de lutter contre ça, qui tireraient profit de ce commerce? Bien entendu, il se fait que là ou ailleurs, un policier ou un administratif a été impliqué et des mesures ont été prises. Il y en a qui sont emprisonnés. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, ça commence à se réduire progressivement parce qu'il fallait montrer un exemple justement pour éradiquer cela. Sinon, la situation devenait de plus en plus grave. Ouais. Monsieur Noël Nkurunziza, au niveau du ministère de l'Intérieur, on dit qu'ils sont à pied d'œuvre. Comment appréciez-vous le travail de la police et de l'administration dans la lutte contre la prolifération de ces boissons non autorisées? Oui, je pense que le rôle de la police et du ministère de l'Intérieur est un rôle très prépondérant, surtout en matière de répression de la commercialisation de ces produits, de ces boissons prohibées. Mais seulement, la question se pose et les reste, et d'ailleurs vous l'avez posé, comment pourrait-on toujours constater qu'il y a la commercialisation de ces produits, alors que le ministère de l'Intérieur est tellement bien structuré de la base au sommet, à partir de Nyumba Kumi pour les 10 maisons jusqu'au niveau supérieur, et que ces produits restent. Donc, c'est qu'il y a absolument, encore une fois, un autre pas à franchir qui serait de nature à décourager définitivement, sinon éradiquer la fabrication et la commercialisation de ces produits qui sont dangereux pour la santé humaine. Sans lui couper la parole, il y a déjà quelques chefs qui ont été limogés. Il n'y faut pas impliquer dans cette histoire. Ils ont été libérés, sanctionnés, emprisonnés. Il y a même quelques policiers. Vous l'avez entendu à gauche à droite. Maintenant, la situation commence à prendre l'oreille. Voilà. Alors, des fois, nous entendons que la police a déversé des centaines et des centaines de litres de boissons prohibées. Est-ce que la lutte se focalise seulement sur les fabricants? Et si tel est le cas, quels sont les efforts fournis dans le sens de lutter contre la commercialisation de ces produits une fois que ça arrive au marché? Monsieur le chef de service de certification au sein du bureau burundais de normalisation. Merci de la question. Quand ces produits arrivent sur le marché, nous, ça nous gêne un peu parce que nous avons une loi qui interdit que tout fabricant ne doit pas mettre sur le marché des produits qui n'ont pas encore certifié par le bureau de normalisation et contrôle de la qualité. Et puis, le rôle que joue le ministère de l'Intérieur avec la police est un rôle très primordial. Mais il faut que le bébé ne soit notifié à temps. Parce que quand je prends le cas d'IG de la viande avalier, le bébé a été notifié grâce aux journaux, mais il fallait qu'une fois que l'administration locale et la police traquent ces fabricants de CJ prohibés, il fallait que le bébé soit notifié parce que, comme je dois dire le président de l'association Bonjour des consommateurs, le ministère de l'Intérieur est centralisé jusqu'à Nyumba Kumi, jusqu'à la sous-colline. Et puis il faut que une fois que la population soit sensibilisée, il faut que il y a des actions qu'il faut entreprendre. Monsieur Nahiraj, le problème se trouve chez vous selon le représentant du BBN. Pourquoi vous n'agissez pas pour justement mettre fin à ce phénomène? Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'administration est à l'œuvre il y a longtemps. Ici, j'aimerais vous lire quelques sanctions qui sont prévues. pour ceux qui sont attrapés. La loi, c'est la loi, mais les œuvres, les faits. Mais les faits sont là. Les faits montrent le contraire. En tout cas, ce n'est pas le contraire, parce que même aujourd'hui où je vous parle à Kinama, il y a eu un travail très important. Quand on a découvert un endroit où, effectivement, les gens prenaient quelques médicaments périmés, ils y mettaient les insignes d'eau. Kamebu et il vendait à des personnes. C'est dommage. Nous sommes à l'œuvre. Ce n'est pas seulement les boissons, mais aussi même les médicaments, les faux médicaments ou les médicaments périmés. C'est dommage. Alors, ici, j'aimerais rappeler que les sanctions sont là et les gens sont sérieusement punis. En guise d'exemple, au niveau de l'article 11, toutes ces personnes qui commercialisent les liqueurs sans licence sont sanctionnées de la manière suivante. Ils doivent être emprisonnés pendant 2 ou 3 mois avec une amende qui varie de 500 000 à 1 million. Ça, c'est pour la commercialisation. Pour ceux qui violent les articles 10 et 9 que je vous ai cités, ils sont sanctionnés de la manière suivante, mais également, ils sont emprisonnés de 2 à 3 mois avec une amende de 500 000 à 1 million. C'est pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, je dirais qu'il y a une amélioration par rapport à ça, effectivement. Et le travail continue, la campagne continue, les gouvernements de province sont à l'œuvre, les administrateurs communaux et la police, et nous sommes vraiment satisfaits des résultats maintenant où je vous parle. Au niveau de l'administration, vous êtes satisfait des résultats déjà obtenus. Est-ce que vous pensez qu'au niveau des victimes de ce commerce, ils sont aussi satisfaits? C'est une lutte continue, mon frère. C'est une lutte continue parce que, comme vous le savez, les gens qui consomment de telles boissons, ils sont devenus esclaves de ces dernières. Je vous fais un exemple d'un fumeur. Dire à un fumeur d'abandonner le tabac, c'est vraiment un combat continu. C'est très difficile. Il en est de même avec d'autres boissons alcoolisées, d'autres boissons qui sont prohibées. Il y a des gens qui sont déjà dépendants de ces boissons, de la matin, matin au soir, qui n'ont fait aucun travail. Donc, c'est une lutte qui continue jusqu'à gagner le pari. Ouais. Monsieur Noé Nkurunziza, le ministère de l'Intérieur est satisfait des résultats déjà obtenus. C'est le cas pour vous au niveau de l'Association burundaise des consommateurs? Bon, je pense que dire que c'est satisfaisant, c'est-à-dire que la tâche finalement qui devait être accomplie était déjà bien décrite. Comment dirais-je, donc quand tu as dit qu'ils sont déjà satisfaits, c'est que peut-être on dirait qu'ils connaissaient déjà à quelle ampleur se présentait ce problème, mais au niveau de la Boucou, nous avons constaté que chaque année, sinon chaque mois, on découvre un nouveau produit, on découvre un nouveau site, on découvre de nouveaux consommateurs, de nouveaux fabricants, si bien que peut-être la satisfaction devait venir au niveau de la stratégie adoptée, parce que la stratégie, c'est celle-là qui devait finalement nous garantir de la suite. Mais sinon, aujourd'hui, c'est vrai, ils ont déjà détruit, ils ont déjà puni, mais le problème, c'est que ça devient cyclique. C'est pour cela que pour nous, au niveau de la Boucou, nous pensons qu'il faut mettre en place une stratégie, et cette stratégie qui permettrait un jour ou à une année donnée dire évaluons-nous et voyons à quelle étape nous sommes, et par là on dirait qu'on est satisfait ou pas. Mais sinon, je vous dis que ce problème, il est très très très très, très difficile à combattre, si bien que il y a beaucoup d'actions qui doivent être mises en place, et notamment la sensibilisation, l'information et encore une fois les sanctions comme c'est prévu. Mais sinon, aujourd'hui, sans stratégie, je pense qu'il est difficile aussi de se dire que nous sommes satisfaits comme tel. La stratégie dont vous faites mention, ça impliquerait qui? Oui, je pense que la question est très pertinente. Vous comprenez que, comme le disait l'autre, le consommateur qui disait que le gouvernement parvient à combattre les rebelles, ben, et qui ne trouve pas comment on ne combattrait pas justement ces fabricants de ces produits, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la quadrilogie. Et là, il faut associer tout le monde. Et je dois le dire en tant que représentant de l'Association burundaise des consommateurs, c'est dans de rares occasions que nous sommes associés, ne fût-ce que dans l'échange d'informations. Et là, c'est dommage que le représentant du ministère du Commerce n'est pas venu. Sinon, je devais parler justement de l'existence d'un organe qui est chargé de protéger ou de collecter les doléances des consommateurs et de les traiter. Alors, il faut absolument qu'il y ait un cadre d'échange d'informations pour que finalement le policier qui est impliqué, le Nyumbakumi qui est impliqué, ne soit pas la référence du consommateur pour dénoncer de telles situations. Il faut finalement qu'on sache à qui s'adresser et cet organe-là serait composé des gens qui ne sont pas trempés dans ou soupçonnés de tremper dans ces histoires de fabrication des produits prohibés. Avant peut-être de mettre en place cette stratégie, est-ce qu'aujourd'hui il est possible d'établir une différence entre les produits qui sont fabriqués de façon autorisée et d'autres qui ne sont pas autorisés? Je dirais oui, mais difficilement. Quand je dis oui, c'est que le Bureau burundais de normalisation parvient à mettre son logo sur les produits qui sont certifiés, mais quand vous vous promenez au niveau des boutiques, au niveau des alimentations, vous trouvez quand même qu'il y a assez de jus et d'autres boissons qui peut-être ne portent pas cette mention et qui malheureusement étaient sur le plaisantoir de ces alimentations ou les comptoirs de ces alimentations. Et là, ça laisse un point d'interrogation aux consommateurs disant est-ce que est-il possible finalement de distinguer la place ou la qualité de ce produit qui comporte le logo du BBN et cet autre qui ne comporte pas ce produit du BBN, son logo du BBN. C'est la grande question qui se pose au consommateur parce qu'aujourd'hui, le marché est inondé de beaucoup de jus, de beaucoup de boissons, alors qu'il faut finalement communiquer et savoir finalement est-ce que ces produits sont autorisés, même s'ils ne sont pas ne portent pas le logo du BBN. Et peut-être la question sera encore plus répondue par le représentant du Bureau burundais de normalisation pour qu'on sache dès demain et quel jus finalement devons-nous nous référer en tant que consommateurs et quel jus devons dénoncer nous en tant que consommateurs à partir de ce que nous voyons sur les présentoirs des boutiques et des alimentations. Dieu merci, nous avons sur ce plateau un représentant du Bureau burundais de normalisation, M. Placide Ndouamahoro. Est-ce que aujourd'hui on peut savoir la liste de ces produits qui sont sur marché, qui sont fabriqués localement, qui sont autorisés pour que les consommateurs puissent savoir que d'autres produits qui ne sont pas cités ici, que ce sont des produits qu'il faut combattre? Ok, à vrai dire, avant de répondre à cette question, j'allais adhérer dans le même sens que le président de l'association burundaise des consommateurs en disant ceci, en disant que la lutte contre la prolifération des boissons prohibées ou bien des jus, c'est pas une affaire d'initiateur institution, c'est une affaire multisectorielle. Il faut qu'on travaille en commun, il faut appliquer la cadriologie, comme il vient de le dire. Et puis, à mon entendement, nous avons une liste des produits déjà certifiés par le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité BBN. La liste est disponible au niveau du bureau. Et puis, pour la population qui suit cette émission Mosaïque, tout produit qui possède la certification BBN ou bien la marque BBN, nous apposons notre marque sur l'étiquette. Notre marque, elle est claire. Elle reflète le drapeau national. Nous avons trois étoiles du drapeau national. Nous avons les couleurs du drapeau national. Et puis en haut, nous avons marqué Burundi. Et puis en dessous, nous avons marqué trois lettres BBN qui est l'abréviation de notre institution, Bureau burundais de normalisation. Et puis tout produit qui se trouve sur le marché qui n'a pas cette marque, c'est pas à consommer parce que l'ordonnance conjointe 540 balles 1618-18 novembre 2013 porta contrôle de la qualité des produits commercialisés au Burundi. À son article 20, je cite, les produits locaux couverts par une norme obligatoire doivent être munis d'un certificat de conformité aux normes obligatoires délivrées par le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité avant les mises sur le marché. Et puis le sujet du jour, c'était les boissons prohibées et les jus. Quand on parle des boissons et les jus, c'est des types d'aliments. Il tombe directement sur la liste des normes obligatoires. La liste des normes obligatoires, c'est une décision ministérielle qui a été qui a été publié dans le BOB, numéro 5/2015, là où on trouve une liste de 116 normes obligatoires. Il y a donc les deux produits qui font l'objet de discussion dans cette émission, ils tombent directement sur la liste des normes obligatoires. Si ces produits tombent directement sur la liste des normes obligatoires, ces produits doivent être certifiés avant leur mise sur le marché en application de l'article 20. L'ordonnance conjointe que je viens de citer. Vous êtes un organe technique. Le problème qu'il y a, c'est que vous attendez qu'on vienne vers vous, mais vous n'allez pas traquer les fabricants de ces produits, parce que le travail que vous faites, la police ne peut pas le faire, l'administration ne peut pas le faire. Pourquoi vous n'allez pas vers ces fabricants de ces produits-là qui sont prohibés pour justement les faire connaître aux autres instances habilitées pour qu'ils soient punis conformément à la législation burundaise? Moi, je suis le chef de service de certification. Il y a un autre service qui est en charge des inspections. Il y a nos inspecteurs. Est-ce que oui, vous représentez le même bureau? Est-ce qu'il y a un travail qui est déjà satisfaisant que vous pouvez évoquer ici sur le plateau? Non, le travail n'est pas satisfaisant suite aux contraintes que le BBN connaît. Nous avons un manque de moyens de déplacement parce qu'on ne peut pas contrôler même toute la mer de Bujumbura, même avoir une partie de l'intérieur du pays, parce que nous avons des contraintes sur plusieurs aspects. Je dirais par exemple l'aspect ressources humaines. Nous avons un personnel de 52 personnes. Nous avons 18 provinces. Nous avons des agents qui se trouvent sur les points d'entrée, mais tous les points d'entrée ne sont pas couverts par les agents du BBN. Par exemple, le point d'entrée de Mavanda, le point d'entrée de Gatumba, le point d'entrée de Rua, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a des produits qui peuvent entrer dans mauvaise qualité et qui peuvent inonder le marché national. Et il y a aussi, nous avons aussi un autre aspect pour le côté contrainte. Nous avons un aspect qui est très important, c'est que c'est un aspect de manque de moyens de locomotion pour le travail de terrain. C'est-à-dire, au niveau du bébé, nous faisons ce qu'on appelle la surveillance des marchés, mais nous faisons aussi la certification. Ça demande les moyens de déplacement. Nous avons aussi un autre aspect qui est un aspect très important aussi, aspect financier. Le BBN travaille selon les subsides de l'État. Nous avons reçu un budget qui est insuffisant. Nous avons reçu un budget d'investissement qui est insuffisant. On ne peut pas alors faire le travail collectivement. D'investissement ou de fonctionnement? De fonctionnement. Oui, on ne peut pas alors faire le travail collectivement comme il fallait pour pouvoir accomplir nos missions. Mosaïque. Je rappelle à nos auditeurs que l'émission c'est Mosaïque. Nous sommes en train d'échanger avec nos invités sur la fabrication et la commercialisation des boissons prohibées qui sont souvent nuisibles à la santé. Dans ce débat, nous sommes avec Terence Narila Aja. Il est porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique. Nous sommes également avec Placide Ndouamahoro. Il est chef de service certification au sein du bureau de normalisation, mais également nous sommes avec Noël Nkurunziza qui est président de l'association des consommateurs. Nous avons invité également le porte-parole du ministère du commerce et de l'industrie, madame Gloriose Nibarutaye. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore arrivée. Pour lutter contre ces boissons, pour lutter contre ces jus, comment la Bouco, BBN, les institutions gouvernementales, le ministère de l'Intérieur, la police, comment aujourd'hui arrivez-vous à collaborer pour lutter contre ça? Est-ce que cette collaboration existe ou bien elle fait défaut? Je pense qu'il y a une collaboration de fait, mais sinon, il n'y a pas vraiment, je dirais, de façon bien organisée, structurée, cette collaboration. Il est vrai, ce sont des initiatives des uns des autres, Ce que nous apprécions au niveau de la Boko, c'est qu'effectivement, la police et l'administration essaient de traquer ce genre de commerce. Mais faut-il dire qu'il reste encore une fois à améliorer l'échange d'informations pour pouvoir justement être efficace. En fait, justement, d'éradiquer ce commerce, cette pratique qui nuit à la santé. Mais l'essentiel, d'ores et déjà, l'essentiel, c'est de communiquer. Communiquer parce que la police et le ministère de l'Intérieur, même s'il voudrait encore une fois essayer de traquer ce genre de commerce, il y a des innocents qui risqueraient d'être dans la foulée, alors que finalement, ils devaient plutôt être légitimes. Et donc, c'est pour dire que dans ce que je disais de changer d'information et de communication, le bureau burundais de normalisation devrait, comme technicien à la base, devait guider le reste de ce qui doit agir sur le terrain par des notes techniques bien claires qui devait être suivi par les uns les autres. Le bureau qui aujourd'hui se trouve assailli par de multiples problèmes, comment pourrait-il agir alors qu'il est à court de moyens pour fonctionner? Moi, je veux vous dire que je pense que il n'en est pas encore là pour dire que c'est vrai, il a une lourde tâche, ça il faut le dire, et encore c'est un service qui est jeune dans un contexte burundais que nous connaissons, mais c'est pas à dire qu'il ne peut pas faire quelque chose. Ne fût-ce que l'information, la sensibilisation. Je connais bien le service, le BBN, parce que en certains moments, nous échangeons des informations. Je sais par exemple qu'ils ont des connexions internet. Transmettre au porte-parole du ministère de l'Intérieur, voici la liste des produits que nous reconnaissons bien et qui doivent être commercialisés comme jus, comme boisson, je ne sais pas. C'est simple, c'est un simple message, sinon une simple lettre. Et sur le terrain, je pense, une fois que l'information est donnée, il y a des services qui sont déjà sur le terrain pour faire ça. Donc c'est pour dire, il faut d'abord échanger l'information et se partager les tâches, sinon c'est faisable. Monsieur Terence Nahilaj, est-ce qu'au niveau de l'administration, cet échange de communication et de l'information existe? Merci beaucoup de poser la question. D'abord, nous travaillons à synergie, ça il faut le savoir. Mais la synergie dont je vous parle, c'est à travers la cardiologie qui est composée par l'administration, la police, la population et la justice. Qui a déjà montré ses limites. Bien entendu, qui est limité avec mes quelques défis dont je vais vous parler. À l'exception des boissons prohibées citées par l'article 10 de l'arrêté dont je vous ai parlé, il y a un défi alors là. Pour les autres poissons, comme le dit, les autres boissons plutôt, qui sont bien amarrés dans les boutiques, l'administration, la police, la population n'a pas cette technicité de découvrir s'il s'agit justement d'une boisson prohibée ou pas à ce moment. C'est pourquoi il y a, je pense qu'un manque d'information. Non seulement manque de qualité, mais aussi d'information. Il a parlé des moyens. Je pense que la solution est simple. Comme avait dit le représentant de la Boko, adresser une correspondance au ministre de l'Intérieur de la formation patriotique avec un annexe de la liste chaque année, bien sûr, parce qu'il faut actualiser avec des boissons qui sont autorisées. Nous, sur le bas de cela, nous pouvons communiquer à tous les gouverneurs de province qui, à leur tour, peuvent adresser et le même message aux administrateurs communaux afin de pouvoir justement éradiquer ces boissons qui sont prohibées et dont nous ne connaissons pas justement la fabrication. Ça ne demande pas beaucoup de moyens, n'est-ce pas? Deuxièmement, si le BBN lance un communiqué à la radio Isanganiro, à la RTNB, ou animer une émission à la radio, ça ne va pas demander beaucoup de moyens. Et la communication est très importante. Surtout, connaître chaque année quelles sont les boissons qui sont autorisées. N'est-ce pas? Sur le bas de ces documents, nous pouvons distribuer tout cela de l'administration du haut à la base. Et à ce moment, chaque fois au niveau des alimentations, des boutiques, il y a moyen aussi de découvrir ce qui n'est pas autorisé et prendre des mesures adéquates. Saisir, brûler, jeter tout ça et sanctionner celui qui le vend. Le BBN. Et appliquer maintenant la loi aussi qui donne le droit d'opinir à l'administration, à la justice, d'opinir ce qui contrefaçons donc ce produit. Le BBN, c'est un organe de l'État. Est-ce que si aujourd'hui il montre ses limites, est-ce que vous ne pouvez pas aller vers ce bureau pour demander cette liste afin de l'utiliser pour demander au gouverneur et aux administrateurs de s'impliquer justement dans cette lutte? En principe, vous savez que le BBM est sous la tutelle du ministère du Commerce. Il est autonome, mais je pense que sous la tutelle, c'est le ministre du Commerce qui devrait plutôt adresser suite à cette problématique de manque de moyens d'arriver sur le terrain. Il faut tout au moins nous adresser ce qui est autorisé ou pas pour que ce libéral soit en face. C'est plutôt de ce problème qui devrait faire recours de pouvoir faire au minimum possible. En attendant l'obtention de ces moyens de déplacement du terrain pour faire l'inspection et autres. Et je pense que quand même, nous sommes en train plutôt de tuyauter notre frère ici pour qu'il puisse faire des initiatives de travailler malgré l'obligé d'austérité dont il dispose. Mm-hmm. Ah oui? Monsieur Nkurunziza, est-ce qu'au niveau de la Boko aujourd'hui, on connaît déjà certains effets de ces boissons sur la santé? Oui, je dirais que au niveau de la Boko, tout ce que nous devons dire, c'est que ce qui n'est pas certifié présente des dangers. En arriver à dire que mais ça présente tel ou tel autre danger, je pense que ça serait s'aventurer en tant qu'organisation de défense des consommateurs. Nous ne sommes pas outillés pour pouvoir justement essayer de détecter, savoir quelle maladie ça peut provoquer. Mais tout ce qui n'est pas certifié, ça reste dangereux. J'ajouterai par rapport à ce que vient de dire le représentant du ministère de l'Intérieur que le BBN devrait faire une sorte de guide qui permettrait à la police ou à quelqu'un d'autre de savoir quels sont les éléments à vérifier face à un produit pour savoir s'il remplit ou pas les normes requises. Et je pense que cela existe. N'offusque qu'à la lecture ou au constat physique, tout cela doit être fait pour guider le service technique qui devait finalement le faire. Donc, c'est pour vous dire qu'au niveau de la Boko, tout ce que nous faisons, c'est de sensibiliser le consommateur. D'abord, pour qu'il évite justement de tomber dans le piège de ces fabricants ou la loi, comme je dirais, mais aussi de leur demander de se comporter comme consommateur averti, c'est-à-dire chaque fois se rassurer que le produit qu'il achète pour la consommation au moins présente certains aspects tels que la validité même de son produit, mais aussi l'adresse du vendeur. Et je pense qu'à partir de là, on pourrait retracer la piste si jamais l'un ou l'autre pourrait rencontrer un problème. Donc c'est tout cela qu'on puisse faire jusqu'à aujourd'hui. S'agissant justement des conséquences de la consommation de ces produits, je pense qu'il y a d'autres services spécialisés qui doivent encore une fois pousser les recherches et nous dire quels sont les risques en cours. Est-ce que vous ne surestimez pas les consommateurs? Est-ce qu'il n'y a pas des consommateurs qui ne sont pas à mesure à faire ce que vous dites? Effectivement. Mais en fait, la notion de consommateur, je pense qu'elle est difficile à définir ou à comprendre. Mais seulement, il faut savoir que même ces commerçants, ce sont des consommateurs. Et il y en a qui vont s'approvisionner en marchandises. Il dit, je trouve finalement un nouveau jus que je dois mettre dans ma boutique sans savoir si réellement ce jus remplit les normes. Il devait être le premier à vérifier. Et à côté justement de ces gens qui ne savent pas lire ou effectivement détecter de tels défauts, c'est pour cela qu'il y a des services techniques mis en place par le gouvernement pour aider et être à la place du consommateur. Et c'est pour cela que je demandais encore une fois au bureau bondé de normalisation de communiquer, d'informer et aux services qui côtoient l'administration à la base et pour que finalement ces services puissent finalement être là pour le consommateur qui n'est pas outillé pour identifier de ces produits contrefaçonnés. Mm-hmm. Mis à part justement ce que les autres institutions peuvent faire au niveau de l'association, vous y travaillez déjà pour informer les consommateurs de faire la différence entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Oui, je pense que c'est l'exercice qu'on fait tous les jours au niveau de la Bouco, chaque fois que l'occasion nous est présentée, nous est offerte, de sensibiliser le consommateur à lui demander de se comporter comme un consommateur averti, c'est comme ça qu'on le dit. C'est-à-dire, s'il doit absolument avoir le doute devant n'importe quel produit et en cas de besoin, demander les formations à qui peut la fournir. Ça, c'est la sensibilisation. Et je vous dis qu'au niveau de la Bouco, on a même, à un certain moment, passé à la formation d'une catégorie de consommateurs. Je vous donnais l'exemple des commerçants qui vendaient les beignets le long de la rue ou qui vendaient d'autres produits directement consommables et qu'on rencontrait autour d'eux qu'il y avait de la saleté et on leur a essayé de les former pour que en faisant leur métier parce que c'est à partir de là qu'ils pouvaient gagner leur vie, ils ne soient pas en danger pour les consommateurs qui consomment à peu d'eau frais. Donc, c'est dans ce genre d'exercice qu'on essaie de sensibiliser et de réveiller la conscience du consommateur pour que lui aussi essaie de se protéger dans son comportement. Essaie aussi d'être exigeant envers le fournisseur. Et c'est à partir de là que chacun serait responsable devant justement les produits qu'il vend ou les produits qu'il consomme. Monsieur Placide Ndoua Mahoro, au niveau de votre bureau, par rapport aux produits que vous avez déjà certifiés, vous estimez que votre travail est satisfaisant? Non, notre travail n'est pas satisfaisant, mais on essaie de faire de notre mieux pour travailler avec les autres, de faire un travail multisectoriel avec les autres. C'est que le président de la Bouco vient de le dire. Oui. Il a dit qu'il faut que le BBN puisse informer les autres institutions pour qu'on puisse savoir les produits qui sont certifiés par le BBN et les produits qui ne sont pas certifiés par le BBN. Et il a dit que nous avons une connexion Internet. Ça, je le promets, on va le faire. On va adresser une correspondance. C'est le ministère du Commerce qui adresse à son collègue du ministère de l'Intérieur une correspondance avec cette liste pour que la population et les instances habilitées à la matière puissent profiter de dessins d'intérêt pour sensibiliser la population. Il faut déjà songer à la Bouco aussi. Oui, on travaille avec la Bouco, oui, on travaille avec elle depuis longtemps. Est-ce qu'on peut dire que justement que son cri d'alarme vient d'être entendu? Oui, je crois que son cri, toute la nos chers auditeurs qui nous écoutent dans cette émission, mais il y a déjà même qui sont un peu civilisés. Il y a déjà qui ne peuvent même pas consommer tout produit comme ça. Mm-hmm. Au-delà de la communication de ces produits aux instances et habilités, est-ce que vous n'avez pas une autre stratégie justement pour aller dans le sens d'éradiquer ce phénomène qui prend aujourd'hui de l'ampleur? Comme on l'a dit avant, il faut développer une stratégie de lutter contre ces produits prohibés. Donc il faut faire la stratégie collective avec. Il n'y a pas une stratégie propre du BBN. Nous travaillons selon nos cahiers de charges pour traquer ces fabricants, mais il faut développer une stratégie collective avec toutes les parties prenantes. Mmh. Quel sera l'apport de votre bureau dans cette stratégie? L'apport dans notre bureau, c'est que là, parmi nos missions, il y a la promouvoir des exportations, des importations. On encadre même les entreprises. Notre apport, ce qui nous occupe aujourd'hui, ce sont les produits prohibés qui sont fabriqués localement. Ok, notre apport, c'est là que nous allons collaborer avec les autres instances, les autres institutions publiques et privées comme la Bouco. Et puis, on va essayer de disponibiliser et aussi ces informations et aussi à participer à la sensibilisation de toute la population. Monsieur Nailaj, au niveau du ministère de l'Intérieur, on parlait d'une stratégie collective, mais également d'une stratégie propre à chaque institution. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Moi, je pense qu'il faut tout privilégier parce que tous les moyens, il existe beaucoup de moyens, beaucoup de canaux de communication dont il faut profiter, n'est-ce pas? Et parce que, comme vous le constatez, c'est un danger pour la population. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous faire un exemple concret. Quand j'ai fait une descente sur le terrain à Gatumba avec le ministre, c'était le lancement de la campagne de lutte contre les boissons prohibées. On a fait les visites surprises simultanément dans toutes les provinces du pays. On a donné un message, on l'a fait le même jour, vous l'avez aussi vu à la télévision, c'était au début de l'année 2016. On trouve une personne qui est âgée de 25 à 30 ans, il a l'air d'un vieux de 70 ans. Donc ça détruit la vie de la population. C'est dommage. Alors, en fait, ici, comme vous le dites, il y a des stratégies qu'il faut prendre. Il faut toutes les stratégies possibles sont nécessaires. Par exemple, qu'est-ce qui empêcherait que nous, au niveau de chaque mois, deux semaines, il y a la rencontre des ministres avec tous les gouvernements de province. Si le PBN le voulait ou le ministre du Commerce, on pourrait inviter le technicien qui pourrait venir donner le message à tous les gouverneurs et distribuer au moins quelques listes de ces boissons qui sont uniquement autorisées pour qu'en fait de compte, ils puissent aller être affichés au chef-lieu de chaque commune. Pour que la population le sache, à ce moment, toutes les alimentations, toutes les boutiques qui vendent ce qui ne figure pas sur la liste, et cela chaque année, mais pour être enlevé sur le marché. Toute la population ne vient pas au chef-lieu de la commune. Elle ne vient pas, mais chaque fois, on invite les médias, on communique de toutes les façons la population sur le journal, au moins sur la radio nationale, au moins sur la radio Isanganiro, sur la radio Rema FM. Et quand nous avons les réunions, nous invitons même les journalistes. Vous savez très bien. Ça, c'est un canal de communication que je vous donne. Si on veut y mettre du sérieux, même chaque chef de zone pourrait avoir une copie. Nous pouvons le faire. Et ils peuvent procéder avec la police, avec tous les intervenants, vérifier les bistrots, les boutiques d'alimentation, vérifier si réellement ce qui est vendu est conforme à la réalité. On peut découvrir beaucoup de choses là aussi. Et dès ce moment, on peut commencer à prendre des mesures et arriver sur le marché, tout ce qui n'est pas autorisé très facilement. Il y a ce problème de ne pas connaître justement quels sont ces produits. La BBN a promis quelque chose. C'est une très bonne chose. Le BBN. Nous attendons impatiemment justement à ces initiatives pour que nous puissions l'épauler. Tantôt, on a mentionné, on a vu qu'il y a une certaine défaillance au niveau de ceux qui sont chargés de lutter contre la prolifération de ces boissons non autorisées. Mmh. Comment, au niveau du ministère de l'Intérieur, impliquer le chef de 10 maisons pour que lui aussi soit impliqué dans sa localité, pour que justement la lutte contre ces boissons vienne d'en haut, mais d'en bas également? Ça, c'est très facile, n'est-ce pas? En fait, chaque semaine, au niveau de chaque commune, il y a ce qu'on appelle la réunion de sécurité. La sécurité, ce n'est pas seulement la sécurité quand vous parlez des voleurs et des bandits. C'est même la sécurité de la santé et tout ça. Il y a ce qu'on appelle le comité de sécurité qui est invité, qui est représenté par tous les secteurs. À ce moment, on donne des formations, on donne des instructions et arriver sur le terrain, ils doivent exécuter. C'est très facile. Seulement, il y a le manque de formation justement sur les caractéristiques de ces boissons qui sont autorisées et ceux qui ne sont pas autorisées. On sait qu'il y a les omodringi, les omogorigori et autres, mais finalement, il y a beaucoup d'autres comme des jus, mais qui causent des problèmes et des maladies et qui sont vendus et qui ne sont malheureusement pas identifiés par ni par l'administration, ni la police, ni la population. C'est facile d'impliquer l'administration à la base. Est-ce que vous promettez que vous allez le faire? Pourquoi pas? Nous sommes prêts à le faire, à condition de nous fournir toutes les données nécessaires et relatives. C'est sur cette contribution de M. Terence et Narida Ja, porte-parole du ministère de l'Intérieur, que nous bouclons cette émission, à qui nous disons d'ailleurs merci d'être venu. Merci beaucoup, M. Janit. Messieurs et chers amis, avec qui nous avons découvert beaucoup de formations sur les boissons prohibées, merci aussi à nos chers auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Nous disons également merci à Placide Ndoua Mahoro, chef de service certification au sein du bureau burundais de normalisation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à la radio Isanganiro de m'avoir invité à ce débat qui était riche à beaucoup d'informations. Merci aussi à mes chers collègues à qui on a partagé ce débat. Je vous remercie. Nos remerciements sont également adressés à Noël Nkurunziza, président de l'association burundaise des consommateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, mais je voudrais quand même que cette question qui concerne la commercialisation des produits non certifiés puisse encore une fois revenir sur la table, parce que je pense que c'est un problème qui est très criant ici dans notre pays. Ça concerne et les produits fabriqués localement, mais aussi les produits importés. Et ça a besoin, encore une fois, d'être parlé, d'être développé pour que le consommateur soit averti, afin qu'il adopte un comportement qui le sauve. Ça dépendra justement de nos invités, M. Placide Ndoua Mahoro. Est-ce que, si jamais vous êtes invité encore une fois, est-ce que vous allez répondre présent? Oui. Avec plaisir, je répondrai présent. Et quant à vous, M. Terence Nahida Aja, est-ce que vous allez répondre vous aussi? Très volontiers, mais j'informe la population qui nous écoute que le combat contre ces boissons continue. Nous disons merci justement à Terence Nahida Aja. Je tiens à informer que sur ce plateau, on avait invité Mme Glorieuse Nibarutaye, porte-parole du ministère du Commerce et de l'Industrie. Mais finalement, elle n'est pas venue. Cette émission était présentée par Joseph Sabiabandi à la réalisation Pascal Nyangunze. La mise en onde était assurée par Toussaint Mitebouti. Tous ensemble, nous vous disons merci.